Salut les accros, c'est le Big Ben pour lesaccrosdesjeux.com. Bienvenue à ce podcast nouveau qui est disponible à présent sur YouTube grâce à Hangout. Malheureusement, lors de la diffusion de ce podcast, j'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur qui a fallu que j'ai été dans l'obligation de changer d'ordinateur et d'utiliser un micro qui était de salle plutôt qu'un micro individuel, ce qui fait en sorte que la qualité du son est vraiment moyenne. Et j'espère que cela vous dérangera pas durant lorsque vous allez écouter l'émission, mais assurez-vous que les prochains épisodes vont être beaucoup, beaucoup mieux. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce podcast du 7 janvier 2013. Salut Zachro, c'est Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn. Pour le podcast des Accros, nous sommes live en direct sur YouTube ce soir. Et probablement les éditions futures vont l'être également. Vous allez avoir la chance de pouvoir nous suivre deux fois par mois live sur YouTube où on va discuter de gaming et de geekerie. Live, vous allez voir nos visages, vous allez voir nos expressions. Vous allez voir nos visages en faisant les podcasts. Et vous allez voir le visage malade de Sylvain, qui souffre, mais qui se bat pour vous aujourd'hui. Parce qu'il sait que c'est important pour vous, le podcast. Surtout qu'il y a une très grosse rhume de gars. Une grippe d'homme. Une grippe d'homme. Hey, c'est les anticorps qui travaillent. Oui, t'as ton petit t'as ta petite armée personnelle qui est en train de se battre pour toi. C'est pour ça que je me sens faible. Ah, peut-être. Quoi de neuf, vous autres? Comment ça s'est passé, votre temps des fêtes? Ben, relax. Manque de travailler. D'aller à Longueuil, d'aller à la Chine, d'aller à Laval. Avec beaucoup de voyagements. Oui, t'es pas international, mais t'es provincial. Oui. Très important. Nous autres, de notre côté, on a beaucoup voyagé. Si, flotte de bus, aller-retour. On l'a fait souvent. Et sinon, ben, à partir du nouvel an, on a eu le temps de souffler. On a eu le temps de jouer. On a eu le temps d'acheter. Parce que oui, il y avait la vente de Steam. Faire en sorte qu'on a acheté beaucoup de jeux. Vous pouvez le demander à notre cher ami Retro Gamer qui a acheté pas mal de jeux durant le temps des fêtes. Oh, et tant que ça! Je pense que oui. Je pense, parce que quoi, t'as vu ma liste de jeux que j'ai acheté, c'est ça? T'en as une coupe en tout cas, que ça s'est rajouté durant le temps des fêtes. Ouais, surtout à cause du Humble Bundle 7, là. Oui, c'est vrai. Je l'ai acheté aussi, ça valait vraiment la peine cette année. Il y a une couple de jeux que je me souviens pas que j'ai acheté, mais j'ai sûrement une liste nombreuse de jeux que j'ai acheté juste parce qu'il était 2 ou 3 piastres. J'ai dit, ah, je le veux! Genre. J'aime sa voix. Mais même rapidement, qu'est-ce que t'as acheté comme jeu, si tu t'en souviens? Une heure, je me souviens, c'est Ares. C'est A-R-E-S. C'est un jeu un peu comme Mega Man. OK. Puis c'est un side-scroller, là. C'est en 3D, mais le personnage est fait avec des vecteurs, avec des graphiques vecteurs, d'après ce que j'ai vu, là. C'est quand même pas pire. C'est comme, si vous aimez Mega Man, Ares, c'est un bon choix, là. OK. Puis qu'est-ce que j'ai là aussi? Retro City Rampage. C'est très bon. Surtout si vous êtes des années un gamer des années 80 comme moi, vous allez catcher beaucoup de références de jeux Nintendo et autres là-dedans. Vous allez rigoler. C'est certain. Moi j'avais gagné le jeu sur le podcast des légendaires, puis j'ai eu la chance de jouer dans les premières semaines. Puis j'ai trippé. La seule affaire qui m'agaçait, c'était les contrôles. Je trouve que le gars aurait pu simplifier les contrôles parce qu'il y avait surtout beaucoup de contrôles qu'on utilise avec le clavier. Il faut utiliser le M, le T, des touches que tu n'utilises pas. Tandis que moi, j'aurais aimé avoir un feeling de jouer comme avec une vraie manette de Nintendo, deux boutons, tout. Moi, c'était la seule affaire que j'avais contre de ce jeu-là. Parce que sinon, le reste, tout est génial. Qui check YouTube? YouTube? J'essaie de faire YouTube présentement. Bon, on peut essayer de voir. Essaye sur l'ordinateur, ton pis. J'ai une question copie pertinente de Madame Camille Gravel, est-ce qu'on attend d'y répondre? Salut Camille! Allô Camille, oui! Ta question c'est, quelle est votre console de jeu préférée à vie? À vie. À vie. Toi, je te dirais, ce serait le Spider-Man. Vraiment? J'ai plus aimé Spider-Man que de... J'ai vraiment, vraiment tellement joué à Spider-Man, Nintendo que oui. C'est vraiment la Spider-Man. Mais toi! C'est toi, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Mais j'avoue, j'ai une petite... J'accroche un petit peu plus peut-être à GameCube. Oui, c'est étrange de même, Sylvain, oui, mais... J'ai tellement passé d'heures que j'en ai brûlé une à moi-même. Fait que... La première GameCube a brûlé. Tellement c'est que j'ai joué. C'est une bonne machine pendant la GameCube. Hein? C'est quand même une bonne machine, la GameCube. La GameCube est très bien. La seule affaire que je trouvais plate, c'est que Nintendo, à l'époque, n'ont pas utilisé ce qui sortait. Ils ont sorti un modem pour la GameCube, mais c'est pour un jeu, c'est Phantasy Star Online. C'est que j'ai. Ouais. C'est totalement stupide, mais mes chums, à temps que je travaillais chez Jeux Express, il y avait la console, ils ne jouaient qu'à ça à longueur de temps, puis juste un jeu. Le modem, là, je pense que si je le reverrais, je suis sûr qu'il y aurait une petite trache noire là, de carbone, là, tellement que ça a été brûlé. Là. Oh, mais. Je te dirais égal la Dreamcast et la GameCube. La Dreamcast, je l'adore, j'en ai pas une, j'en veux une. Et je rêve d'en avoir une Dreamcast. Mais c'est une console que j'ai tellement accrochée là. Hey, Typing of the Dead, là, j'ai joué tellement souvent à ça. Là. Ça serait ça. PL, ta console préférée? Snap. Mais j'en ai deux. Dans le fond, j'en ai deux parce que c'est choisi de prendre comme critère qu'est-ce qui a changé ma vie / mon expérience de gaming. Le Game Boy puis les ces consoles qui s'en sont suivies par après. OK. Et la PlayStation 1. J'avoue. PlayStation 1, c'est celle qui a surtout changé ma vie, puis la Game Boy, ben écoute là, moi je pense à ça à 10 ans, une affaire de même. Ouais, à 10 ans, genre. Quand la Game Boy est sortie, en tout cas, je reçois la Game Boy en cadeau de fête, puis j'ai mis ça, là, au projet, j'ai traîné mon Game Boy original tout le temps avec moi. Hey, tu joues à un jeu vidéo, dans l'autobus, dans la voiture, en avion, peu importe, hey, c'est. Faudrait en savoir, oui, c'était capotant, mais des jeux complexes, t'as pas des Game & Watch, là. Non, il y en a des jeux qui étaient pas très complexes là-dessus, là. Je me rappelle d'avoir joué à... Game Boy ordinaire. Solar Strike. Un jeu de shooter. J'ai tellement rushé à faire le tour. Mais j'ai réussi. Puis je capotais. J'étais fou comme de la merde. Sylvain, toi, ta console? C'est un combat entre la Nintendo et le Super Nintendo. Mais je dirais la Nintendo parce que c'est elle qui m'a intéressé aux plus grosses franchises. Parce que comme Megaman, Castlevania, Contra. Mario, plein d'autres de jeux qui comme Ghost of Goblins, toutes les vieilles franchises là, que je gravite encore autour aujourd'hui. Donc, je devrais dire la Nintendo. OK. Sinon, alors, là, on faisait de, pour ce qui est des sales, des jeux qu'on a achetés durant le temps des fêtes. Toi, dans ta thèse, est-ce que tu as réussi à acheter quelques jeux sur Internet ou sur un magasin? Ben, c'est ça. Je me suis pas gêné pour m'acheter avant les un petit peu avant les fêtes, mais à peine un petit peu avant les fêtes. Heroes of Fate sur 3DS, Shinobi 3D sur 3DS. Récemment, ça a été racheté Nightshade et Bioshock 2. OK. Moi, de mon côté, j'ai fait quelques achats sur Steam et j'ai également acheté en magasin. Et ben, pour Mary Lune, j'ai acheté son cadeau de fête, avec son cadeau de Noël, excusez-moi. J'ai plus d'avance en tu dis pour mon cadeau de fête? Non, t'es pas encore rendu à tes temps. Oui! Marie, tu veux-tu montrer c'est quoi ton jeu? Alors, je voyais à l'envers, c'est Super Mario Bros. 2. Nous, Super Mario Bros. 2 sur la Wii, pas sur la Wii U, c'est la 3DS, excusez-moi, je suis fatigué. Il veut une Wii U, je pense. Oui, ben. C'est sûr, j'en veux une. Je veux pas une maudite PS4 qui n'utilise pas les jeux Yous. excusez-moi, j'en ai un petit peu de rancœur. Sinon, à part ça, j'ai acheté sur Steam Faster Than Light, un maudit bon jeu de vaisseau. Sérieux, là, allez l'acheter si vous aimez les jeux de gestion de vaisseau, je capote. Marie, elle peut le confirmer, je ne joue qu'à ça ces temps-ci. Toutes ces soirées, il pense à ça. C'est tellement bon. Sinon, j'ai joué à Qatar 2, Knights of the Old Republic 2, j'ai payé 2 pièces et demi. Tellement pas cher. Sinon, on passe ça en magasin. J'ai acheté Tatsunoko vs Capcom 9 pour 10$. Oh shit. Si vous avez la chance, ça se peut qu'il y en a encore en spécial chez Vidéotron Microplay. Ah, c'est bon. Oui. C'est bon que tu dis ça parce que je pense qu'il y a une de nos. Une de nos consoeurs gamers, justement, qui, elle, recherche ce jeu avec beaucoup d'acharnement. Ah oui? Ben, il ouais. Y avait encore une copie à côté du micro-play que j'ai été l'acheter. Hier. Yeah. Ah. Alors, pour elle, si t'as la chance, passe chez micro-play. Il était en spécial, ou ben, je suis sûr qu'ils peuvent te l'envoyer, te le trouver, là. Mm-hmm. Sinon, on passe ça rapidement. Oui, je t'ai acheté SimCity 4. Oui, c'est vrai. Excusez, je suis comme un peu. Non, tu peux pas parce que c'est souvenir. Là. Alors, là, ce que vous pouvez vous demander en ce moment, c'est qu'on est en train de vérifier pour voir les chats. On est en train de vous arranger ça. On a encore une autre question, mais ça finit ce que tu disais. Parce que c'est... Puis après je me lève la question. C'est ça, il y a encore quelques jeux qui sont en spécial chez Microplay. Profitez-en, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que leur deal de 50% sur le deuxième jeu n'est plus là, mais ils se débarrassent beaucoup de jeux de Wii. Et c'est le temps d'aller en chercher, c'est pas cher certains jeux. Je vais demander à ma fête Mario Kart sur Wii, qui était pas cher, il était 40$. Fait que vu que je l'ai pas, c'est un jeu que je veux absolument avoir. Fait que, j'ai encore le volant chez nous. J'aime pas jouer avec le volant. C'est pas jouer avec le volant? Ok, c'est bon. Ah, je suis pas capable de jouer avec le volant. C'est bon. Je trouve que ça fait pas, c'est comme... C'est non. J'aime mieux jouer avec les manettes, avec la nunchuck, c'est même fun. C'est bon. Sinon, à part ça, on peut aller directement avec les nouvelles? Ouais. Non, Marilyn, c'est vrai, toi, t'as pas acheté d'autres jeux non plus durant le temps des fêtes. J'en ai reçu, mais je ne l'ai pas acheté. Oh. T'as acheté quelque chose pour moi, je pense, hein? En effet, oui, mais c'est pas un jeu. C'est quoi d'abord? C'est une console. Est-ce que tu veux la montrer, la boîte? Juste en arrière. Allez, on va aller chercher ça durant notre... Et j'ai reçu un beau cadeau pour Noël. Et Marilyn va vous le montrer pour ceux qui sont live présentement. Mais il y en a qui savent s'ils m'ont vu écrire sur mon autre chaîne aussi. Ils l'ont su, c'est quoi? Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus pour vous parler un petit peu de la console. Car oui, j'ai reçu une SC3 Plus de la compagnie Yobo. La SC3 Plus, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est capable de jouer des jeux de Nintendo, Super Nintendo et Genesis. Ils jouent aussi des jeux de G-Factor. Je me suis renseigné et c'est les jeux de la compagnie Yobo. C'est leur assez... Jeu. C'est leur jeu à eux. Ils ont une console qui s'appelle la G-Factor qui joue des jeux de Nintendo également. Assez bizarre. Ouais. Ça a l'air mauvais. Je pense que je vais m'en commander une pour vous montrer comment ça peut être tellement poche. Là. Au départ, je vais y acheter la Red Run Dream, mais j'en trouvais plus fort. Malheureusement, le temps des fêtes a passé et les consoles se font un petit peu plus rares. Ouais. Mais je suis content pareil. La console est bonne, ça fait un job. Ils jouent pas mal. Là, je joue quand même souvent avec. Oui. Je joue beaucoup à Super Nintendo dessus. La seule affaire que j'aime pas pour ce qui est de la Super Nintendo et du Nintendo, je sais pas si tu as ce problème-là, c'est la Retron 3. J'ai des boutons qui sont inversés. Ouais. Quand par exemple, je joue à Mario Bros, les boutons sont inversés. Ça prend un peu de temps à s'habituer, là. Mais vraiment, c'est comme le A, il est avec le B, puis le B est rendu à A. C'est même bizarre. Ouais, c'est même bizarre. Je comprends pas pourquoi il y a ce problème-là sur la SC3, Marilyn peut même vous le dire, on jouait... Pas ce problème-là, ça arrêteront trois. C'est dommage. Mais Marilyn... C'est pas dommage, c'est parfait. elle a joué Tic-Tac avec moi. Puis... C'est trop drôle! Elle avait la misère. Mais aussi, la manette était un petit peu... J'adore le D-pad, la manette, mais les boutons sont tellement petits que je m'accrochais souvent avec les autres boutons. Ah non! Peux-tu mettre les manettes originales là-dessus? Même pas! C'est ça le pire! La console, elle a l'air d'avoir de pouvoir accepter les manettes de Genesis, mais... Pas Nintendo, pas Nintendo. Non! Et le pire, c'est que, bon, on voit qu'on a les connecteurs ici qui peuvent... qui a de l'air pour rentrer les manettes de Genesis, et non, ça ne rentre pas parce que les manettes de... La plug est plus grosse. Fait que on est obligé, je vais être obligé d'acheter deux manettes supplémentaires sur le site de Yobo pour pouvoir m'assurer que la console puisse fonctionner pour un bout si jamais je pète les manettes. Je suis pas capable d'aller voir sur YouTube, par exemple, les commentaires. Je vais essayer d'aller voir sur Twitter. Ouais. Ah, oui, j'ai une question. On a une question de taille. Salut, taille. Durant le temps des fêtes, avez-vous écouté Ciné Cadeau ou des spéciaux des fêtes? Non. Pas eu le temps. Pas cette année. Pas ben, hein. On a plus écouté des films que d'autres choses. On a plus écouté des films, on a écouté. Oui, on a écouté Big Bang, mm-hmm. Autour de bras. On adore Big Bang. Sinon, à part ça, le conte de Noël, on a écouté le conte de Noël de Jim Carrey. Oui. J'ai même pas. D'habitude, j'écoute Nero, je ne l'ai même pas écouté cette année. D'habitude, j'écoute Nightmare Before Christmas, je ne l'ai pas écouté cette année. J'ai pas besoin d'écouter la télé. Normalement, j'écoute plus de films, mais j'ai pas eu le temps cette année. On a été tellement occupés. Mais bon, ça va prendre l'année prochaine, mon cher Taille. Ciné Cadeau, j'ai eu peut-être la chance d'écouter une partie d'Astérix lorsque j'étais à Joliette. Mais non, j'ai pas. C'est vraiment les petits bouts. C'est ça. Mm. J'ai pas pu prendre le temps vraiment de souffler, de m'asseoir puis d'écouter le show. Malheureusement. Est-ce que Einstein vous répondu à la question? Je me rappelle pas. Oh, ils l'ont dit comme quoi qu'il l'a pas. Non. Einstein, tu vas pouvoir regarder en ce moment le chat sur YouTube. On va commencer tranquillement les nouvelles. Ben. Ça te dérange pas? Ah, si ça me dérange pas, là, tantôt je fais du back and forth en Twitter puis le chat de YouTube. D'accord. Alors, on va commencer. Normalement, on est censé avoir arrêté les nouvelles. Je veux juste faire une petite annonce pour ce qui est du mois de fin janvier. Des nouvelles vidéos s'en viennent pour moi. J'ai décidé de transformer les bulletins de nouvelles du podcast. Je vais les mettre directement sur YouTube et c'est moi qui vais en parler. Donc, vous allez avoir à peu près comme Dodger fait sur YouTube, il va y avoir des capsules de nouvelles qui vont être produites à peu près une ou deux fois par semaine. Et c'est moi qui vais vous les présenter les nouvelles. Oui, ça va être nouveau. On va peut-être avoir un peu moins de critiques de ma part, parce que veux pas, des nouvelles de même, ça va prendre beaucoup plus de temps à de préparation. Et j'aurai peut-être moins de temps de jouer à des jeux pour faire des critiques. Mais je vais me concentrer un petit peu plus sur faire des nouvelles et j'espère que vous allez apprécier ce genre de nouvelles que je vais vous préparer. Ça va être assez quotidien, peut-être une ou deux fois. J'essaie de le faire deux fois semaine pour pouvoir vous jaser des nouvelles du jeu. Mais entre-temps, je vais en aller préparer quelques-unes qui vont pouvoir discuter là-dessus. D'abord, on va commencer avec la fameuse nouvelle console de Nvidia. Oui, Nvidia nous sort une console Android. Pour qui va utiliser la. C'est ça, Android. Ça a l'air d'une grosse Game Boy. Ça a l'air bizarre. Je vais essayer d'aller sur le site de Kotaku pour vous montrer en même temps sa caméra. Et c'est ça, c'est le jeu. En plus, cette console-là, vous allez pouvoir jouer des jeux d'Android. Mais également, il y aura un système un petit peu comme OnLive pour le jeu de PC. Ce qui est étonnant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils veulent proposer comme. Architecture pour pouvoir jouer des jeux PC sur une console portable. Ça m'étonne beaucoup. Sinon, à part ça, je regarde rapidement. Vous en pensez quoi d'une nouvelle console faite par Nvidia, les gars? Moi, je vois la face de notre ami Rétro, puis il a l'air tellement exaspéré que je pense que ça dit tout, n'est-ce pas? Je suis pas un fan des jeux vidéo streamés. Mm-hmm, moi non plus. Surtout au Canada, vu qu'on a des bandes passantes assez limitées. Mettons que je me verrais pas avoir une console de jeu où je jouerais puis que je genre à chaque 20 minutes, je perds à peu près quoi 500 MB. Non, c'est pas mon genre. L'illimité, c'est très rare au Québec. Pour ceux, nos fans qui sont en France, ici, le CRTC, il limite beaucoup les bandes passantes sur les dans les forfaits. Je veux dire, c'est les compagnies, finalement, qui font qu'on a des forfaits tellement limités. On paye des prix de fou pour avoir peu de téléchargements. C'est vraiment mauvais. Fait que pour une console de ce genre-là, pour les jeux streamés, je pense pas que ça va marcher au Canada. Mais par exemple, ça va peut-être rentrer en compétition avec la Ouya, qui roule également des jeux de Android. J'ai hâte de voir quelle sorte de compétition sont capables de faire ces deux consoles-là. Là, je sens. Ouais, ça ne ferait pas du streamer. Mais Ouya ne peut pas faire du stream. Non, puis la particularité de la Ouya, c'est qu'elle est modifiable par n'importe qui. Puis ça, c'est voulu. C'est partie des points de marketing de la Ouya, c'est que tu peux la modifier physiquement pour faire ce que tu veux avec. Mm-hmm. C'est ça, comparé à ce que l'on a ce qu'on a présentement. J'ai hâte de voir ça va être quoi l'avenir du gaming par rapport à, avec des nouvelles architectures, avec Android également. Ça apporte des avenues qu'on. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça d'ici l'année passée, mettons. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut-tu donner des nouveaux jeux, par exemple, des chances à des jeux indie de pouvoir devenir plus forts, d'être plus présents? Ça va me poser des questions. Oui, Antifaz? J'ai dit peut-être pour supporter, qui dans le fond supporte ton argument. Effectivement. Sinon, pour ça, rapidement, THQ, c'est fini. D'accord. Ouais. Est en faillite en ce moment. Et ensuite, c'est Charles Evitt. Ils ont essayé de se faire racheter. Mm-hmm. Ça n'a pas fonctionné. J'avouerais, je les ai compris un peu. Mettons, ils ont des bonnes licences. Ils ont quelques bonnes licences. Je pense à Darksiders, c'est une excellente série de jeux. Darksiders. Tu as les jeux de WWE qui sont également très, très populaires pour THQ. Mm-hmm. Mais je pense que le fléau du problème de THQ, c'est comme Electronic Arts, c'est vraiment la gérance. Ouais. Fait que. Mais c'est ça, c'est comme Grimm aussi, là. C'est comme. Ils ont fait des choix. Excuse-moi. J'ai fait la plus en fait. Pour ceux qui nous écoutent en audio en ce moment, on est en train. J'ai frappé Marilyn sans faire exprès sur le genou. C'est ça, je suis femme battue. Non, tu ne l'es pas, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. c'est véritablement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. J'aimerais voir Darksiders chez Ubisoft, mettons. Je ne veux pas voir Darksiders chez EA. Non, c'est ça. Mettons, là. Darksiders sur EA, ça va avoir ça risque de faire la même chose que Dante's Inferno. Le début est intéressant, mais ça va passer trop à God of War. Mm-hmm. Et ensuite, ça va être hyper bâclé. Ouais. Parce qu'ils vont avoir poussé dans le cul pour pouvoir sortir le jeu le plus tôt possible. C'est ça. C'est vraiment chiant. Sinon, à part ça, durant le temps des fêtes, il n'y a pas eu ben de nouvelles, me semble. Est-ce que vous avez des idées, vous autres? C'est calme, là. C'est calme. Je veux dire, on je te dirais que les compagnies et les constructeurs se préparaient pour les jeux qui s'en viennent pour 2013. Oui, quand même une belle liste cette année. Mm-hmm. On a eu des très bons jeux dans l'année 2012. Ça a été vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par rapport à l'année 2013. Les annonces sont sorties. Selon moi, on peut s'attendre peut-être à une console d'ici la fin de l'année. Soit côté Xbox, soit côté PlayStation. Faire compétition à la Wii U. Faire compétition à la Wii U. Dernière génération de consoles, à mon avis. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ou, juste le fait de pas permettre l'utilisation de jeux usagés, ça va détruire le marché. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Mais à mon avis, c'est totalement ridicule. Je sais pas si je me rappelle plus qui jasait de ça, mais je pense que PlayStation va attendre de voir si Microsoft va proposer un autre système de protection. Non, c'est-à-dire ils sont revenus à la charge, ils sont revenus à full charge à propos du débat. Ils prévoient que la PlayStation 4 ait la protection assez full pin. Fait que oublie ça, louer des jeux, oublie ça, acheter des jeux seconde main, c'est fini. Ils vont se tirer totalement dans le pied, comme disait Retro. C'est ce que tout le monde dit, mais s'il écoute pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, regarde, comme moi, là, je vous annonce officiellement, là, je vais acheter la Wii U parce que c'est une console qui m'intéresse vraiment et que je peux prendre des jeux usagés. Mais je pense pas aller dans Xbox et dans la PlayStation de la prochaine génération. Je pense que je vais m'acheter un nouvel ordinateur tant qu'à ça. Oui. Tellement rendu. Je vais être avec Steam et Big Picture. C'est ça. Je suis rendu tellement avec Steam puis je vais jouer avec Big Picture sur ma nouvelle télé que je vais avoir plus de fun à jouer à des jeux que je vais avoir payé des peanuts. Puis je vais le savoir, c'est à moi. Que je vais acheter le gros prix puis je vais savoir que c'est à moi. Ce qu'il faut être réaliste, là, la plupart des gamers, surtout comme moi ou vous autres, c'est on va acheter les plus grosses franchises à plein prix. Ouais. Et la plupart de nos jeux, on va les acheter usagés. C'est ça. Tout au moins, d'avoir la chance de jouer au jeu. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de télécharger le démo non plus, là. C'est vrai. Tu télécharges un démo, c'est un gig, là. J'en ai téléchargé un sur ma PlayStation 3, je pense que c'était Saint Rose, le troisième. Puis, regarde, c'était un gig et quelques pour un démo. C'est beaucoup. Il est peut-être justement ça, là, entre 5 gigs puis 8 gigs. Mm. Je suis pas sûr. Il est pas sûr ça, mais c'est parce que si tu fais la comparaison, ouais. En tout cas. Moi, c'est quasiment officiel, je m'en vais juste sur le PC, à part la Wii U, parce que c'est une console que... Je veux pas, Nintendo sont toujours à part, puis c'est quelque chose que j'aime de Nintendo, fait que... Ben, c'est ça qui de notre côté, ben, les distingue et qui fait en sorte que tu vas encore... Dans 20 ans d'ici, là, tu vas encore... On va parler plus de Nintendo qu'on va parler de, mettons, Xbox, même Sony, mais c'est en même temps... Bon, tout le monde, on va y arriver. Là, on a eu un problème de serveur de YouTube qui voulait rien savoir. Je sais pas pourquoi il nous a planté ça dans la face. Et Tutti le chat. Qui aime beaucoup l'écran. Oui, ça c'est notre chat, notre nouveau chat à la maison. C'est le chat geek. Notre chat geek. La mascotte de Cours des Jeux. Pas encore, par exemple. Pas encore. Mais il aime beaucoup, beaucoup se cacher dans des coins geek en tout cas. Oh, tu fais ton poil, Tutti. Mais non, c'est ça. Comment on dit ça? Non, la mascotte, c'est pour moi, c'est encore le squelette, mais faudrait que je trouve un nom. J'ai jamais trouvé de nom à ce squelette. Ça pourrait être un titre de gros coup, quelque part. Trouver un nom, Alice. On va l'appeler Geek. Geek. Geek. Non, Geek. Avec un S. Ah, en tout cas. J'ai jamais pensé à ça. Ça fait 4 ans que je travaille, que je fais ce site, puis j'ai jamais pensé à un nom. Fait que non, c'est ça. Un nom, j'en de. On va venir de la nouvelle console. Oui, de la nouvelle console. Comme quoi que, finalement, moi, je lâche les nouvelles consoles, à part la Wii U. Puis, je me dirige vers la Steam, l'ordinateur, une bonne TV, puis je vais jouer là-dessus. Mm. Et je vais faire mon rétro gamer de moi et je vais dire que PlayStation 4, c'est de la merde. À mon avis personnel. Ben, c'est parce que si vraiment ils vont de l'avant avec on va bloquer des jeux vraiment utilisation limitée ben c'est comme chiant là. Ouais, c'est vraiment chiant. Qu'est-ce qui a fait grossir, comme pour reprendre ce que Gretro a dit, qu'est-ce qui a fait grossir le marché et l'intérêt des jeux? Ben c'est les jeux de seconde main. Mm-hmm. Effectivement. Puis mettons qu'on a pas. Si on n'a pas la chance de découvrir les jeux pis d'avoir juste des démos à un gig chaque, désolé, c'est pas pour moi. J'arrive borderline à la fin du mois là avec ma bande passante. Puis j'ai 90 gigs. T'sais, fait que. Ouais, je pense que ça va juste augmenter le piratage, c'est aussi simple que ça. Mm. Parce que ça va frustrer les gens. Puis ça va, comme tu dis, ça va les pousser à répliquer. Et on sait comment c'est facile. Je veux dire, les pirates, là, ça prend pas grand temps, puis ça claque une console, là. Mais c'est ouais, chasse. Je me rappelle les premiers temps de la PlayStation, mais ça a appliqué quoi, 2 semaines? T'as craqué? T'avais une puce. La puce plus? Ben, la mode chip, là. Ben, c'était pas une mode chip, me semble. C'était une affaire par rapport à les jeux PlayStation 2. Ah, ok, je vois que c'est beau. Je pense que tu disais une faille qu'il y avait dans les jeux PlayStation 2 pour pouvoir copier et faire jouer les jeux PlayStation 3. Mm-hmm. Sinon, passons. Pour ce qui est des nouvelles, c'est assez tranquille, je vous dirais, sur côté nouvelles. Si vous avez rapidement sur soit sur YouTube ou sur Twitter ou une question, quoi que ce soit, gênez-vous pas. C'est trop tranquille, là. On veut interagir avec vous autres, la gang. Je sais que les problèmes de connexion ont posé quelques ennuis, mais là, on devrait être correct jusqu'à la fin du podcast sans problème. On est vraiment désolé que ça se passe de même. Là, je vous avoue qu'à ce soir, on a eu beaucoup de problèmes. Mais on va s'amuser à ce soir. Yay! Alors, mais on va s'amuser à ce soir. Yay! Alors, ah, oh, ça fait bizarre. Je ne m'entends pas en audio. C'est PL qui a fait ça? Oui, c'est encore moi. OK. Fait que, on va partir. Le Rédou nous montre sa jolie collection, n'est-ce pas? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Là, je vais vous mettre la caméra juste le salon d'ordre de Rédou. La formation. Pas grand-chose. On voit quelques jeux de Super Nintendo. Ouais, Game Genie. Genie. Ah bon? C'est ça ton secret rétro. Le Game Genie. Ah. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 sur Xbox. T'as dit qu'il va être contente. Kung Fu, que j'ai pogné au Comic Con, moi. Ah, désolé. Donkey Kong 2 sur Famicom. Super Famicom, c'est vraiment cool. Oh, wow. Bon, vous autres, vous nous écoutez présentement en live. Si vous nous écoutez en audio, vous pouvez pas voir, mais nous, on voit la connexion complète. Clique ta caméra, toi. Mm. Oh! Donkey Kong 3 en japonais, toi. C'est vrai que Miyamoto a jamais aimé les Donkey Kong Country? T'es-tu sérieux? Ouais, c'est vrai. Ils ont jamais aimé. Ah, ça, c'était plat, par exemple, Mega Man Soccer. Mais non, ils ont jamais trouvé que c'était vrai Donkey Kong. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est Dracula X. non. C'est Dracula X version japonaise. Oh, ok. Moi, je l'avais pas pire. Il y a Skylanders partout. Ouais, t'as peur, c'est pas fini, là. Et d'autres Skylanders dans une boîte. Et qui viennent de top, plein, plein. T'as peur, là. Pas juste dans une boîte, là. Dans deux boîtes. Oh my god! Pauvre Shadix! Non, c'est même pas Sin, ça, là. Ouais, je sais pas pourquoi tu dis Shadix. Non, c'est moi je dis Shadix tantôt par rapport à... Assez mélangé, c'est juste. Désolé, je te mets en couple avec 3 personnes en même temps, je suis désolé. On savait que c'était un homme à faire, on n'a pas rendu à ce point-là. Ah, t'es trop proche! Hein? Oh, la part de Sylvain. Ok. Hein? Ah, de la part de Tai Kushimira. Waouh, le beau salon de Retro Gamer PQ. Ouais. Il faudrait que je fasse ma vidéo de notre collection aussi, à Marie-Lune et à moi. C'est plus 3/4 de ta collection, le quart de la mienne, mais bon, ça de détail. Non, je pense que ce serait plus 9/10 de la mienne. Ouais, aussi. Ben, Marie-Lune, elle commence. Fait que tu sais, oui, j'y laisse le temps. Mais tu sais, elle achète des jeux de fois de temps en temps. Fait qu'elle fait sa collection au fur et à mesure. Mm-hmm. Fait que je suis pas inquiet pour elle. Excusez-moi. Oh my god. Hey, désolé de vous endormir ça en pleine face. Puis une 3DS Excel. Une 3DS Excel, mesdames et messieurs. J'ai vu la mienne. Quand même. Une grosse lumière. Ouais, mais tu pourrais resetter la coloration de la caméra. Avec un poster du Joker. Ou un laminé. C'est un laminé, je pense. Hein? Décoré pour la. Ah. Ouais. T'as une bonne question pour Marilyn? Ah, c'est une question pour toi, Marilyn. Oui. Sai aimerait savoir si tu voudrais faire le critique du film Le Voyage de Chihiro pour répondre à la critique de... Je pense que dans le contexte, il parlait de... il voudrait dire... Après, répondre à la critique de Dog Walker. Mm-hmm. Mais bref, il veut savoir si toi, tu voudrais faire une critique de Le Voyage de Chihiro. Mais je pense que tu veux dire en fait Chihiro, mais ce serait à revérifier. Si je trouve le film, oui. Le voyage de Chihiro devrait être assez facile à trouver, en fait. Ok, ben, je vais me mettre à la recherche. Je vais voir si j'ai... Je vais voir si... Faudrait qu'on voit si on l'a à notre... Vidéotron. Ouais, on l'a loué avant de l'acheter. Mm-hmm. Sinon, on va commencer avec le sujet du jour. Oui, s'il vous plaît. On va jaser de jeux indépendants. Je me suis rendu compte qu'avec le Humble Bundle Indie Game, les jeux indépendants deviennent de plus en plus meilleurs et pour une fraction du prix de... Excusez-moi, je suis comme déconcentré parce que je suis en train de voir la vision de Retro Gamer en train de se boire un verre d'eau. C'est du live vlog, mesdames et messieurs! Ok, oui. J'ai l'impression d'être un des films des années 80, genre, où est-ce que tu vois tout ce que la personne fait, là. Ah non, John Malkovich. J'ai l'impression d'être dans Bing John Malkovich. Là, je suis dans Bing Retro Gamer PQ. Retro Gamer PQ, hey. John Malkovich Jr. Non. Il se sert un verre d'eau. À côté d'une cassette de Famicom. Dans un verre bleu. Et avec une demi-cassette de Jeremite. Puis, c'est bon ton nom, Retro Giver? C'est vraiment la débandade ce soir, Zachro. Je vous avoue que on dérape, mais c'est pas grave, c'est le fun. Souvent, ça fait les meilleurs podcasts. De toute façon. Les Zachro aiment ça quand on dérape, fait que c'est ça qu'on leur donne. C'est même pas volontaire, c'est ça le pire. Alors, Sylvain, est-ce que t'es prêt? On parle de quoi, là? Jeu indépendant. Jeu indépendant, oui, on est prêt, let's go. On y va. Fait que avec le Humble Bundle et les ventes sur Steam, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui ont pris beaucoup de place. Dans le monde du jeu vidéo, je vous dirais en général, une place qu'il n'y avait pas, je vous dirais, il y a 5 ans. Et je voudrais qu'on en jase un peu, voir c'est quoi on pense d'abord des jeux indépendants. Retro, toi, tu es un grand acheteur de jeux, comme on a pu voir. Selon toi, est-ce que le jeu indépendant a une place dans le monde du jeu vidéo présentement? Oui, puis je dirais une meilleure place que les jeux de grosses compagnies. Parce que la plupart du temps, les jeux indépendants vont aller chercher des styles et des genres de jeux qui ne sont pas présentement sur le marché. Okay. Même si on peut passer le contraire des fois, là, parce qu'on voit souvent des mêmes styles de jeux revenir. Mais écoute, moi je dirais que les indépendants bénéficient beaucoup... du retour du style rétro un peu. Mm-hmm. Ça les aide énormément et ça a aidé aussi à populariser le rétro gaming. Puis à mon avis, d'après ce que je vois dans mon entourage, le rétro gaming, les jeux qui sont un petit peu plus faits avec des sprites ou dessinés à la main, pognent beaucoup plus que les gros jeux sans style Call of Duty, etc. Mm-hmm. Moi, ce que je vois dans mon entourage, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse aux jeux vidéo à cause de ce genre de jeu-là. C'est sûr que la plupart de ces gens-là ont 30 ans et plus dans mon entourage, là. Mais je connais beaucoup de jeunes entre 18 et 25, mettons, qui jouent à beaucoup de jeux style rétro à cause des jeux indépendants. OK. Toi, donc, je pense que le rétro aide beaucoup les indépendants à percer dans le marché. Est-ce que tu partages cet avis-là, Pierre? C'est justement, je peux pas rien rajouter de plus que ce rétro a dit parce que c'est que je pourrais pas dire mieux. Mm-hmm. C'est vrai. Parce que rétro a réussi ici à bien résumer les points importants du sujet. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Marilyn, toi, qu'est-ce que tu penses du monde qu'est-ce que tu penses des jeux indépendants? C'est assez récent pour toi de voir des jeux indépendants. Mais on se rend compte finalement que les jeux indépendants, ça nous entoure de plus en plus sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Par exemple, dans ton iPhone en ce moment, tu as des petits jeux indépendants en plus. Eh oui! Eh oui! Et on ne soupçonnerait pas. Non. Par exemple, son fameux Plants vs. Zombies. Oh! Il est devenu tellement gros. Il faut dire une chose, au début, c'est un jeu-là, c'est un jeu indépendant. Mais il est tellement rendu populaire que ça a fait en sorte que ça devienne une grosse compagnie. Mm-hmm. Puis il est capable de souvenir à lui-même, à lui-même ses besoins. Un autre jeu que je n'ai pas dans mon iPhone, Angry Birds, qui est un jeu indépendant. Puis qui a vendu combien de millions? Mm-hmm. Ouais, mais Rovio, c'est plus vraiment un indépendant. Je veux dire, ils vivent beaucoup des produits dérivés, comme les toutous, puis les affaires d'Angry Birds, puis tous les trucs là, d'Angry Birds qu'ils vendent dans les magasins. Je veux dire, c'est plus vraiment indépendant rendu là. Non, c'est vraiment plus rendu indépendant, mais dans les premiers temps, de la sortie du premier Angry Birds, c'était un jeu indépendant. Ouais, mais là, ils sont devenus gros. Ils sont devenus gros. Sinon, moi, je peux remarquer, j'ai fouillé dans mes affaires, puis pourquoi j'avais envie de vous en jaser, c'est que j'avais reçu un cadeau de la part de CE, il y a à peu près 3 ans de ça. J'avais reçu le premier Humble Bundle, Indie Game. Et j'ai retrouvé des jeux indépendants qui sont rendus vraiment des bijoux. Je pense par exemple à World of Goo, qui est un jeu indépendant excellent et qui est rendu quasiment sur toutes les consoles possibles. On le voit sur iPhone, on le voit sur Wii. Il y a plein de ce jeu-là. C'est répandu comme une traînée de poudre. Mm-hmm. La même histoire peut être dite pour Cave Story. Cave Story, très très bon jeu. J'ai découvert récemment. Je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, mais sérieusement, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, puis comme disait Rétro, c'est vraiment le retour du rétro gaming. Les gens refont des jeux à la saveur rétro, puis le monde recherche ça. La plupart des fans des rétro. Il y a un gros marché pour ça, sérieux. Puis, pensez-vous que les grosses compagnies boutent ce genre de jeu-là? Les autres ont fait tellement taper ses doigts puis taper sa tomate pour dire « Oh, on veut des jeux qui se rapprochent le plus possible de la réalité, qui soient de plus en plus réalistes. » Il y a eu des demandes fortes pour ça que quand une fois que le consommateur l'a eu, c'est carrément quasiment planté. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que les grosses compagnies peuvent pas se permettre de vraiment retourner complètement au rétro parce que les fans des séries s'attendent toujours à avoir quelque chose de mieux par rapport aux franchises, mettons. Effectivement. Mais j'ai remarqué dans un des jeux qu'on a reçu dans le nouveau Humble Bundle, Shank 2. Je sais pas si tu l'as mis dans ton PC. Moi, j'ai les deux, ouais. OK. Lorsqu'on le passe sur Steam, t'as un beau contrat de EA qui se rajoute. Lorsqu'il faut que tu signes, en plus, l'accord d'utilisation de Steam pour le jeu, il faut que tu signes également un contrat de EA. Ouais. J'ai comme fait, OK, est-ce que EA tente de vouloir utiliser ce marché-là également? Est-ce que EA voit une voie pour faire de l'argent de ce côté-là? Ben, c'est normal pour une compagnie de vouloir faire de l'argent, là, mais... Mais le savoir que c'est une des seules qui utilise ce genre de jeu rétro, les jeux d'indépendants pour maximiser ses profits, finalement. Ouais, mais moi, Shank, c'est pas vraiment un jeu indépendant. Hein. Mm-hmm. Non, je sais bien. Sinon, vos jeux indépendants préférés, vous autres? Il y en a tellement. Je vais te faire l'enquête chaud, puis encore une fois, The Cave Story. J'avais bien aimé dans le temps Alien Omnid. Connais pas. Castle Crashers, oui. Très très bon jeu. C'est vrai, c'est un très bon choix. Que j'aime, mais j'aimerais ça qu'il sorte un 2. Ça fait longtemps. Ça fait au moins 4 ans qu'il sort ce jeu-là. Oui, mais ils pourraient sortir d'autres choses aussi, cette compagnie-là, faire voir ce qu'ils peuvent faire. Hein. Il y a Swords and Soldiers. Je connais pas. C'est une compagnie allemande, je pense, qui fait ça. En tout cas, tu checkeras sur, sur Steam ou sa WiiWare. Il y a tout ici partout, je pense, à cette heure. C'est un genre de jeu de real-time strategy, mais qui joue en side-scrolling, qui a des graphiques dessinés un peu à la chien. OK. On va répondre à vos questions. On a reçu des questions pour plus tard. On va vous les répondre à la fin de la discussion. Je sais que Philippe, tu m'écris beaucoup en ce moment pour que je te réponde. On va juste finir le sujet et on va te répondre à tes questions. Moi, de mon côté. C'est plus des commentaires qu'il fait pour la critique qu'il aimerait que Marie-Lune fasse. Ouais, et autre chose aussi, des questions pour Big Ben. On va finaliser notre sujet, puis on va aller répondre aux questions après. Oui. Moi, de mon côté, les jeux indépendants que j'aime beaucoup, j'en ai parlé tantôt, Faster Than Light. Sérieux, j'ai adoré ce jeu-là. Je trouve que c'est un vrai bon jeu de gestion de vaisseau. J'ai trouvé ça bon. Mais il y a un autre jeu que j'ai joué également dans le temps avec JP Cardin, qui s'appelle Bridge Artemis, qui est une reproduction des commandes d'un vaisseau spatial à la Star Trek. Donc, on est plusieurs connectés, chacun avec un portable, et on occupe un poste précis. Comme par exemple, il y en a un, c'est un timonier, il y en a un autre, il s'occupe de l'artillerie, il y en a un autre qui est scientifique. Et on doit tous travailler ensemble pour faire travailler ce vaisseau, faire finalement fonctionner le vaisseau. Puis s'il y en a un qui fait mal sa job, ben, tout le monde est dans la merde. C'est le genre de jeu que j'ai aimé. C'était vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Ah, et c'est beau. T'avais joué toi aussi? J'avais regardé jouer. C'était compliqué. Ben, ça prend un peu de temps pour s'habituer un petit peu au contrôle. Mais après, quand ça va, écoute, c'était génial. Ça avançait. Je disais mon capitaine JP Cardin, c'était drôle. Et ce qui est plutôt étonnant. Mais sérieusement, ça, c'est un très très bon jeu. C'est un jeu indépendant parce que c'est un seul gars qui l'a bâti. Et si Star Trek, si la personne qui a la licence de Star Trek s'intéresserait à ce jeu-là, je vous jure, il ferait de la pièce. Pas pour. Ouais, pas mal. Sinon, War of Goo, très très bon jeu indépendant. J'ai adoré ce jeu-là. Sinon, à part ça, rapidement, je pense à ça. J'ai joué à un mauvais jeu, j'ai oublié de vous dire ça. C'était dans le premier Humble Bundle. C'était un jeu de lapin. Les crétins lapins? Non! Lapin assassin. Ouais, gentil. T'es dans un monde ouvert, genre en graphique PlayStation 1, super laid et très carton. Ouais. Et t'es un lapin qui marche sur deux pattes, genre. Puis il faut t'être tué tes camarades lapins. Et pour ça, faut utiliser des combos de poings, de pieds, puis faut tes assassins en arrière. Mais c'est plat parce que c'est juste ça. Tu sais, t'as pas d'autres missions, rien. Tout ce que t'as à faire dans ce jeu-là, c'est tuer d'autres lapins. Et j'ai fait qu'en arc. Puis le pire, c'est que je suis sûr que ce genre de jeu-là a pogné, là, il y a à peu près 2-3 heures. Qui était dans l'Humble Bundle, là. Fait que c'était très très mauvais. Avez-vous déjà joué à des jeux mauvais? Ben ça c'est sûr. Mais c'est sûr. Côté indépendant. Ah ben, il y en a un méchant paquet de jeux de merde, là. Mais c'est le même côté des grosses compagnies, il y en a un méchant paquet aussi. Mais c'est plus excusable pour les indépendants parce que les autres, ils dépensent pas des budgets phénoménaux là-dedans. Non. Ils n'ont pas la chance. Ils peuvent pas tomber. S'ils manquent la shot, ils la manquent plus solide. C'est souvent des tests qu'ils font, puis ça, c'est excusable. Des jeux indépendants vraiment merdiques, là. Normalement, je les garde plus, fait que je me souviens plus des titres, là. Mais je suis certain que j'en ai joué un méchant paquet, là, puis je suis certain que tout le monde ici en a joué un méchant paquet aussi. Ouais. À part le jeu de lapin, j'ai déjà critiqué Guiche sur notre site. J'avais reçu une copie gratuite de la compagnie. Je pense que j'avais donné un 7.5 ou un 8. La compagnie était tellement tabarnak qu'elle ne m'a plus jamais renvoyé de message. Elle ne m'a jamais renvoyé d'autres jeux. Le pire, c'est que je leur ai dit dans le message, je vais être honnête avec vous autres et je vais faire la critique la plus honnête possible. J'ai donné un 7.5, je pense. C'est un bon jeu, pareil. Et Ils t'ont blackmailé après ça. Ben après ça, j'ai jamais eu d'autres nouvelles. J'étais censé critiquer les autres jeux que la compagnie avait fait, puis j'ai jamais rien reçu. Ben écoute donc. Taï veut participer à la conversation concernant les jeux indépendants. Il y a un jeu qui ne connaît pas le nom. Il dit, moi je dirais que ce jeu, il y a un jeu gratuit où tu dois diriger la France. Je me rappelle plus du titre du jeu, mais c'est un bon jeu indépendant selon lui. Je sais pas si vous le connaissez, moi je le connais pas. C'est-tu le jeu genre qui parlait, le joueur du clavier? Ah, je sais pas. T'sais, Nicolas Sarkozy, genre, il se fait tuer par un... T'en plaît ce que j'ai décrit la taille sur Twitter. C'est en plein la même chose que je viens d'écrire à taille. Ok, c'est ce que je pense que... Je pense que c'est ce jeu-là. Genre, tu peux mourir parce que t'es allé une foire agricole pis qu'il y avait un taureau qui était là, tu peux te tuer. Mais tu gères un pays. Ouais. Brillant. Il y a vraiment des mauvais jeux. Guiche, c'était bon, mais c'était pas... extraordinaire. Hein? Non, c'était pas extraordinaire. Côté québécois, est-ce que vous connaissez des jeux indépendants québécois? C'est parce qu'il y a plusieurs jeux qui... Tu serais surpris, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux québécois indépendants. Oui. C'est juste que les avantages de ces jeux-là, c'est qu'ils sont pas connus. Ils ont pas... Je sais pas pourquoi, mais ils donnent pas non plus la chance de se faire connaître. J'étais au Mini Comic Con en décembre dernier, puis j'ai rencontré justement une narcisse qui avec son chum ou son ami, je sais pas, faisait construit également des jeux. Ok. Mais 100 fois, non, hein? Comment? Moi, c'était 100 fois, je voulais parler, là. Il a passé le Green Knight sur Steam, là. Non, mais c'est ça que je te dis, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs jeux, mais il n'y a pas assez de visibilité pour ces jeux-là. Ah, beaucoup. Malheureusement. T'en connais-tu, toi, Sylvain? Non? Moi, j'en connais un. Oui? Je suis en train de télécharger parce que j'avais supprimé sans faire exprès. C'est Extreme Road Trip. C'est un jeu québécois. Okay. C'est super connu à l'international, tellement que... les concepteurs ont fait un deuxième tome de ce jeu-là. Mmh. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone et que tu contrôles ta voiture comme ça. Et le but, c'est de faire le plus de jumps et de possible sans péter ta bagnole. C'est assez drôle. J'ai pas essayé encore. Je sais que je pourrais télécharger sur iPod. Je vais vous l'ouvrir, en fait. Bref, c'est un jeu de char. C'est fait par Roof Dog Games. Sauf qu'il faut faire des acrobaties. Je vais vous le montrer, là. Ça ressemble à ça. Genre 300 milliards de pirouettes, puis tigidou lai lai. Puis il faut que tu fasses en un seul point d'essence, je pense. C'est ça qui est drôle aussi. Donc, Fait que, conclusion pour vous autres. Est-ce que les jeux indépendants, ça vaut la peine de vérifier? Avez-vous des suggestions pour savoir si le jeu que vous avez acheté, c'est un bon jeu ou c'est un mauvais jeu? Ça, c'est comme n'importe quoi. C'est dur à dire tant que tu ne l'as pas essayé. OK. Moi, je suggère, ce que je fais toujours, c'est que je vais voir s'il n'y a pas du gameplay disponible sur YouTube. OK. En général, si ce que je vois me plaît visuellement et ça, au point de vue sonore, généralement je me trompe pas, mais des fois tu peux te tromper pareil, là, mais généralement je me trompe pas. Là. Okay. Je suis pareil aussi. Ok. Checker les gameplays sur YouTube, puis je me fais une meilleure idée de là, disons. Comme... Ty parle comme quoi qu'il y a un jeu québécois qui c'était le jeu qui copiait Angry Bird, où est-ce qu'ils ont lancé des ministres sur Pauline Marois. C'est Angry Pickis qui est... Oui, c'était par Jean-Louis Fort. Oui, c'est vrai. De Infoman. C'était Infoman qui avait fait ce jeu-là. Il est disponible sur le site, mais c'était plate. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé le jeu-là. Fait que pour conclure, essayez de jouer à des jeux indépendants. Sérieusement, ça, il y a des petits bijoux que vous pouvez trouver là-dessus. C'est génial. Et pour quelques dollars, souvent, c'est... Et souvent, c'est gratuit aussi. C'est ça qui est bien. Frozen. Pour Marie, ben, elle a mentionné un jeu gratuit. Mais je me semble que c'est elle qui me dit le mois passé que le jeu Fruit Ninja que je lui avais suggéré pour iPhone était gratuit. Oui, c'est ça. Il y a plein de jeux sur iPhone qui sont gratuits. Pour iPhone et Android, oui, effectivement, il y a beaucoup de jeux gratuits. Il faut toujours faire attention, par exemple, sur Android, pas télécharger de la. Mais pas de la merde, mais. Je sais que le store il est moins inspecté, fait que il peut souvent avoir des petits virus ou des affaires de même qui traînent. Des petits bobos. Miaou. Mm. Non, c'est pas un miaou, ça. C'est un téléphone. Franchement, un téléphone. Fait qu'on va aller répondre aux questions que Ty nous a posées, parce que c'est pas mal Ty qui nous a juste écrit. On va prendre quelques secondes pour te Merci répondre Ty avant de finir. Hein? Alors, Time me demande de... non, attends. Ah oui, c'est le film qui voulait que tu critiques. Oui, bien sûr. En anglais, c'est Spirited Away. Spirited Away. C'est un film de Miyazaki. Ouais. Miyazaki a fait... Ah oui. Il a fait Mononoke, il a fait... C'est lui qui a fait... Ah, oh, Seigneur, j'ai fait au bout de la lampe, ça me pique comme de fait. Le château ambulant. Comment? Château ambulant. Non. Non. Très beau ton spot en haut de ta tête en passant rétro. mais il y a fait plusieurs films japonais. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un film japonais comme ben, prochaine critique? Pourquoi pas? Critique de film? Pourquoi pas? Mm-hmm. J'ai d'autres plans pour des jeux, mais pour un prochain film, pourquoi pas? Ça peut me sortir de ma zone de confort, tant mieux. On regardera ça. Oh, on a une belle petite question de la part de Shadix. Oui! À quand le prochain podcast des accros de l'animation? Alors, c'est officiel, on a discuté entre nous autres sur notre forum interne, et il va en avoir un, donnez-moi un instant, on s'était dit le 21, je pense, hein? Vous dites le 21 ou le 22 de janvier? Ouais, le 21 ou le 22 janvier. On va essayer de le faire sur YouTube encore une fois. Et la beauté avec YouTube, je pense que c'est pour ceux qui vont vouloir se joindre à nous, on peut montrer des extraits directement live pendant qu'on fait le hangout. Fait qu'on va pas vous montrer genre la bande-annonce, les bouts qu'on trouve intéressants. Fait qu'on va regarder pour faire ça. Et le film qu'on va jaser, c'est finalement le fameux film Volt qu'on voulait faire. Marilyn voulait le faire depuis un méchant bout. J'aime trop ce film-là, fait que... Parlez-en pas mal, s'il vous plaît! À cause de deux comédiens qui prêtent leur foi dedans. Ouais, mais pas nécessairement, je sais pas. Du film en tant que tel, aussi. Quel film? Sûrement pas à cause de gros. Là, je sais que tu poses la question, c'est toujours un bug qui se passe. Quel film, s'il vous plaît? Il y a deux comédiens québécois qui pourraient être leur voix dedans. Et je ne dirai pas de punch parce qu'on va sûrement parler dans le podcast de la cour des animations. OK, c'est bon. Mais ça, ouais, c'est ça. Il va y avoir deux. On va jaser le 21 ou 22, tout dépendant de la disponibilité déjà. Et on va essayer de le faire également sur Google Hangout pour pouvoir vous montrer des extraits. Pour montrer les personnages aussi. Ça va être plus visuel, ça va être plus amusant. Et. Ouais. Pour un podcast d'animation, surtout, on va vous montrer les dessins. Ça va valoir plus la peine. Après ça, on a reçu d'autres questions également, je pense. On m'avait demandé à moi si je voulais faire Ni no Kuni. Ty, je sais pas si c'est toi qui poses tout le temps la question à Talbot, à son podcast, là. Je sais qu'il y a un gars qui arrive pas de poser la question, là. Pour ce qui est de Ni no Kuni, je pense pas le faire, simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai tellement de jeux à jouer que j'ai acheté que je vais passer le temps dessus. Et comme je le disais au début du podcast, je me lance dans des vidéos différentes. Je vais faire beaucoup, beaucoup moins de critiques à partir de 2013. Je vais faire plus des nouvelles de jeux vidéo, un petit peu comme fait Dodgers sur YouTube. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et ça va permettre également de pouvoir vous tenir au courant de news qui me sont intéressantes. Et il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de nouvelles, je trouve, en tout cas, sur Internet. Non, sur Internet. C'est différenciant un petit peu plus aussi. Oui. Et il y a tellement de critiques sur notre site que je suis sûr qu'il y en aura un à m'emmener un jour pour en faire. Fait que, entre-temps, je suis désolé, je le ferai pas. Et ce jeu-là m'intéresse pas. Je suis désolé. Sinon, à part ça, est-ce qu'on avait d'autres questions? Sur notre chaîne YouTube, est-ce qu'on a des questions en stress? Non, c'est mort. C'est mort. Mais hein, vous êtes donc bien plate, la gueule. Ben non, c'est pas grave. C'est une blague. C'est pas grave. Alors, je pense qu'on va finaliser le podcast ici. Merci beaucoup d'avoir été là. Et votre patience, parce que on a planté plusieurs fois aujourd'hui, c'est vraiment plat. Ça devrait pas se reproduire la prochaine fois. Je vais avoir un nouveau PC d'ici deux semaines. Que j'y vois. Mais on s'arrange pour avoir un nouveau PC pour être sûr que ça soit correct pour les prochaines représentations. Mais entre-temps, si vous avez envie de nous jaser, il y a des manières de pouvoir nous contacter. Et je vais commencer avec PL. Comment on peut te contacter sur Internet? On peut me contacter comme vous avez vu pour ceux qui étaient là ce soir, par Twitter à Antithèse16. Je suis également rejoignable sur antithèse@yahoo.ca ou @gmail.com ou encore, ou mieux encore, abonnez-vous sur le forum des accros et venez me jaser comme vous pouvez également jaser aux autres accros. Tu vas y aller du côté à Retro Gamer, comment on peut te contacter sur les internets? Toujours par mon channel YouTube, vous pouvez toujours me laisser des messages, tant que c'est des messages qui ne nécessiteront pas des flames et la colère des dieux, parce que je les efface automatiquement. Mm-hmm. Les chiens, je les efface. Mm-hmm. C'est tout à fait normal. Marion, comment on peut te contacter? On peut me contacter sur Twitter, comme d'habitude, à Thérien Marie-Ève. On peut me contacter via le forum des accros. On peut me contacter via ma chaîne YouTube, en message privé ou dans mes commentaires, parce que j'y réponds très souvent, le plus souvent possible. Et sinon, on peut me rejoindre via Instagram à Vlog de Marie-Lune. Venez me rejoindre, ça fait toujours plaisir de vous voir. Et puis, il y a une autre chaîne, mais j'en parlerai pas parce que c'est pas là-dedans ici. Voilà. Ça parle un petit peu trop de make-up. Genre ça. L'affaire de même. Ouais, mais c'est correct. Tu l'as déjà vécu. Il y a beauté dans la face. Ouais, vous avez pas vu encore ma critique de son cadeau de Noël, là. Ça a l'air. Ça un peu. T'as posé une question, puis il n'y a pas vraiment eu de réponse, par exemple, cadeau de Noël. Comment est-ce qu'on a trouvé le. L'échange de cadeaux des accros. Il n'y avait pas de réponse, ouais. Oui, vas-y, oui. Cette année, quelle est pour vous la meilleure vidéo que vous avez vue ou qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les échanges de cadeaux cette année? Ou le plus marqué. Oui. C'est le Big Ben. c'est clair. Marie, comment as-tu osé? C'est bien facile. Je sais, Benoît. Et elle a frappé fort. Oui, mettons! Je trouve que j'ai bien répliqué. Tu penses oui. Que c'est vraiment... Oui. Non, pas tout! Parce que il faut que je vous dise une anecdote qui s'est passée auparavant. J'avais un moment donné visionné une vidéo d'un chum d'une YouTubeuse, quelque chose comme ça, à l'époque, qui avait fait une parodie des... Parce qu'il est acteur de la chaîne de sa blonde, puis il avait vraiment bien eu. En joke, j'avais dit à Benoît, ça serait tellement drôle à un moment donné que tu te ramasses, que tu fais une bulle, que tu fasses un vlog de Belly. Et il l'a fait. Je m'en attendais juste pas, parce qu'il est comme, oh, non. Il a osé! Hey! Il a fait un peu, je suis capable. Mais, il a réussi en plus. Il faut faire son maquillage. Là ça a l'air qu'il faut faire une vidéo pour faire son maquillage à elle. My boyfriend does my makeup. Oh my god. Je suis gay. J'ai peut-être une idée en tête, là, mais elle va tellement me détester que je dormirai même plus dans l'appartement. C'est pas grave. Moi, je suis gay parce que je suis capable de m'auto-dérisionner. D'accord. C'est un mot. Toi, quelle vidéo pour toi qui est la plus drôle que t'as vue? Je sens que cette année, on a été... Mm. Je sens qu'on est tous été chiens l'un vers l'autre, non? Moi, je pense que tout le monde a été chiant. Sauf... Il était soft cette année, Jigar. Jigar était soft, puis Rétro, c'est juste plate que t'as pas aimé le jeu parce que le jeu est bon. Mais c'est juste que t'as pas aimé, c'est normal. Mais tu joues au premier, je pense. Tu t'es acheté le premier. Ouais. Puis, c'est différent. Mais on n'a pas encore vu la critique de Jigar. Non, on ne sait pas encore si c'était pire qu'on l'a reçu. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire de mon cadeau. J'ai très hâte, ça devrait s'en venir un peu plus tard. D'habitude, Jigar, ça prend un peu plus de temps, mais bon, Il est papa deux fois. Papa deux fois, maître d'animaux trois fois, il a une blonde, il a une job, il s'occupe du forum des expos et de tout ça, fait que je comprends qu'il prend un peu plus de temps. Mais inquiétez-vous. Non, il travaille fort dans le Jigar. Il travaille fort dans le Jigar, mais il va faire sa vidéo, inquiétez-vous. Super Jigar! Sinon, pour ça, je dirais que ma critique. Qu'est-ce que j'ai envoyé à CE, c'était vraiment chien. C'était vraiment chien. C'était drôle. C'était le retour du balancier. Oh oui, carrément. Ouais. Recevoir un jeu de Conspiracy Theory, là, c'est une vraie vienne, la star. C'est leurs jeux sont tellement plats que... Surtout pour la Wii, c'est des jeux de consoles assez récentes, tu sais. C'est un jeu de merde. Tu vois, Ty, lui, il dit que c'était celui de Big Ben, puis celui de CE. Je suis d'accord, parce que c'est les deux qui m'ont marqué le plus aussi. Ta critique sur E.T. était soft aussi, je te dirais. Mais, comme j'ai dit avec la critique d'E.T., ouais. Quelque chose, oui, de l'un que la plupart des YouTubers vont faire une fois. Je m'attends même à ce qu'à un moment donné, Rétro le fasse. Oui. Malheureusement, parce que j'ai ce jeu depuis qu'il est sorti. Donc. Ben moi aussi, je l'ai le jeu. Je pense que c'est un parcours obligatoire pour la plupart des YouTubers, simplement parce que le jeu est tellement mauvais. Puis ça a initié le crash du gaming dans le temps. C'est historique. C'est historique. Mais quand même, c'est vrai. Mais tu sais, dans un sens, j'en veux pas aux gars qui l'ont fait. Moi, j'en veux plus aux gars qui ont fait le jeu que j'ai envoyé à CE. Parce que le gars qui a fait le jeu de E.T., là, il y a rien que 6 semaines, genre, pour faire le jeu, là. C'est pas beaucoup pour faire un jeu vidéo. Surtout à l'époque, ça prenait au moins 6 mois. Puis, le gars, ça s'est inventé de l'avoir fait même en 3 semaines, dans des entrevues. Je parle pour le E.T. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement... Regarde, la compagnie de Conspiracy Theory, là, ils savent qu'ils font des jeux de marbre. Regarde, tu réutilises pas toujours le même engin pour chaque jeu, puis tu mets pas juste 3 tableaux. Le même layout, ça marche pas. Affaire. Ça marche pas, tu peux pas faire les jeux. Ils font du cash pour ça. Ouais, mais est-ce qu'ils font vraiment du cash pour ça? Moi, je pense qu'ils ont fait banqueroute depuis le temps. Je sais pas, sérieux. Faudrait qu'on se renseigne. Ben, le site web existait l'année passée, je sais pas. Ouais, c'est vrai, t'es allé faire un tour. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai comme fait, hey, je me sens, je connais. C'est moi-même qui ai fait de la recherche en plus dans la vidéo. J'ai fait, oh merde! C'était vraiment mauvais. Sinon, c'est ça, on va finaliser la vidéo parce que là, je vois que notre cher Retro Gamer a hâte d'aller se coucher, je suis désolé. Mais pas encore frappé! Alors, pour me rejoindre sur Internet, vous pouvez me contacter sur le compte officiel des Accros des Jeux de Twitter, à Accros des Jeux. Vous pouvez également m'envoyer un message privé via ma chaîne YouTube. Je suis la même règle que Retro Gamer. Si vous m'envoyez de la merde, je vous bannis. Je pense que je suis assez explicite à Star. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer également un email à accrodesjeux@gmail.com. Il y a le forum des Accros des Jeux qui est disponible également. Je suis là à peu près tous les jours possibles. Et sinon, à part ça, Google Plus, vous pouvez me rajouter là-dessus. Ou, pour ce qui est de la seule affaire, c'est Facebook. Je reçois encore tout le monde sur Facebook qui veulent me rajouter. Je n'accepte personne sur Facebook. Mon Facebook est privé et ça reste de même tout le temps. De toute façon, on a la page d'Accro des Jeux, là. Il y a la page des Accro des Jeux que je suis là à peu près tous les jours, encore une fois. Puis elle est là, Marie-Lune est là. On va faire notre tour souvent. Fait que, si vous voulez laisser un message, on vous rejoint là-dessus. Il n'y aura aucun problème. Alors là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là pour le premier podcast que, oui, c'était bizarre sur Hangout, mais on va s'habituer, laissez-nous quelques temps. On n'aura plus de problèmes d'ici quelques les prochaines éditions. On va s'habituer. Oui. Alors, alors, c'était le Big Ben. Anstèse. Rétro Gaillard PQ. Puis Marie-Louise. Pour le podcast des Expos d'édition du 7 janvier 2013. Merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine. Bye, bye tout le monde. Bonne soirée.